Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux grandes expositions d'histoire qui se tiennent ces temps-ci en France. Demain, nous évoquerons dans une même émission une grande exposition qui se tient à la fois à Lyon et à Bourg-en-Bresse sur le renouveau de la peinture d'histoire au XIXe siècle. Mercredi, nous vous présenterons l'exposition 1900 qui, elle, se tient au Petit Palais à Paris. Et jeudi, nous nous plongerons dans un travail historique et muséographique inédit à propos de la libération de Paris en 1944. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, nous allons nous promener dans la très belle exposition « Moi, Auguste, empereur de Rome » qui se tient jusqu'au 13 juillet prochain au Grand Palais à Paris. Une exposition rare car elle rassemble un grand nombre d'œuvres de l'époque augustéenne, des œuvres qui ont été rarement vues ensemble et c'est ça le principal intérêt de cette exposition et met en avant également un personnage historique régulièrement mis de côté au profit de César dans notre historiographie. Une grande exposition autour d'un grand personnage est toujours l'occasion de faire le point sur la recherche en cours. C'est ce dont nous débattrons ce matin avec Daniel Roger. Il est conservateur en chef du patrimoine au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre. Et nous aurons, pour nous accompagner également dans la visite de l'exposition, des enregistrements avec Cécile Giroir. Elle est conservateur du patrimoine au musée du Louvre, au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et tous les deux sont deux des conservateurs de cette exposition, Moi Auguste, au Grand Palais à Paris. Bonjour Daniel Roger. Bonjour Emmanuel Laurentin. Et merci d'être avec nous donc, pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, quand on dit conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines au Louvre, cela signifie donc que le Louvre a travaillé pour une grande exposition au Grand Palais, c'est cela Daniel Roger ? Alors voilà, tout à fait. Alors, pas le Louvre tout seul, hein, puisque naturellement le Grand Palais est géré par la Réunion des musées nationaux. Donc, c'est une association entre, d'une part, le Louvre, la Réunion des musées nationaux et aussi nos collègues qui sont les co-commissaires de cette exposition et qui sont du côté italien, les musées du Capitole et Palaexpo, qui est l'équivalent de la RMN. Alors, ce personnage d'Auguste, vous l'avez vous-même, en tant que conservateur en chef du patrimoine, déjà croisé très souvent, en l'occurrence, Daniel Roger ? Ah oui, Auguste, quand on est dans ma spécialité, c'est difficile de ne pas le rencontrer. En fait, je l'ai croisé tout au long de non seulement de ma carrière, mais aussi de ma formation, puisque à l'époque d'Auguste, beaucoup de choses que l'on connaît de la romanité apparaissent, notamment en littérature, en histoire de l'art. Donc nécessairement, quand on s'intéresse à Rome, on rencontre Auguste un jour ou l'autre. Alors, s'il vous fallait faire une brève fiche biographique de cet Auguste, qui est assez compliqué à comprendre, même par le jeune écolier ou le jeune lycéen aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas que les lycéens aient à travailler sur Auguste, je ne crois pas. Mais en l'occurrence, le jeune écolier aujourd'hui qui travaillerait sur la naissance de l'Empire romain, puisqu'il a changé plusieurs fois de nom. Donc, faites-nous une petite fiche biographique de cet Auguste, en l'occurrence Daniel Roger. Alors, faire une petite fiche biographique, c'est un peu difficile parce que c'est un règne qui a été justement très long, un des plus longs de l'histoire de l'Empire romain. Déjà, il faut noter. Voilà. Mais néanmoins, c'est assez simple de résumer pour un collégien ce qu'a été Auguste. C'est tout simplement le premier empereur de Rome. Et autour de ça, évidemment, des questions se posent tout de suite, puisque comment peut-on devenir le premier empereur de Rome ? Ce n'est pas du tout une chose évidente. Et la carrière d'Auguste et toute son histoire montrent que ça a été une entreprise très longue, qu'il a réussi sans doute parce qu'il a vécu longtemps à mener à bien. Et en fait, c'est un véritable de changement des mentalités qu'il a réussi à accomplir. Alors, si on devait faire une fiche biographique, on devrait commencer par dire qu'Auguste, c'est un personnage de l'aristocratie, mais qui naît finalement d'une famille qui n'est pas parmi les plus grandes familles de l'aristocratie romaine. De l'ordre équestre ? Alors, oui, de l'ordre équestre, mais très rapidement, son père est de rang sénatorial, en fait, qui va siéger au Sénat. Et donc, c'est une famille relativement mineure. Mais qui a la chance d'être liée d'une façon ou d'une autre à celle de César. Voilà, tout à fait. Puisque, en fait, la mère d'Octave est la sœur de la mère de César. Donc, ça crée forcément un lien familial dont le jeune Octave va profiter, puisque César lui-même n'ayant pas d'héritier en quelque sorte, n'ayant, enfin il a des héritiers, mais disons que comme Césarion par exemple avec Cléopâtre, mais disons pas d'héritier qui soit possible de mettre en avant sur la scène politique romaine, eh bien il va s'intéresser à ce jeune homme qui, quand César décède en 44, n'a que 19 ans, donc c'est vraiment un tout jeune homme, hein. Il commence à peine la carrière des honneurs. Et donc il va découvrir ce jeune Octave un certain nombre de talents militaires, politiques. Bon, Octave est quelqu'un de sérieux, quelqu'un en qui César peut avoir confiance. Et donc c'est une surprise à la mort de César de découvrir qu'il l'a choisi pour être son héritier. Il l'a choisi par testament, il l'a adopté même par testament. Et donc c'est à ce moment-là que le jeune Octave change de nom. Il s'appelle Caius Octavius et il va changer de nom, adopté par César. Il va prendre le nom de César, Caius Julius Caesar. Et donc, les historiens modernes ajoutent parfois Octavianus, Octavien, pour le distinguer de l'autre Caius Julius Caesar, qui est le vrai César que tout le monde connaît. Donc déjà, ça n'est pas simple. Déjà, sa fiche d'identité, d'identité n'est pas très simple. Parce qu'effectivement, adopté par César à la mort de César, enfin avant la mort de César, mais une adoption effective à la mort de César. Et voilà. Ensuite, évidemment, un combat pour un pouvoir, alors qu'il est très jeune et qu'il n'a pas la possibilité d'ailleurs de conquérir ce pouvoir à cause de sa jeunesse à 19 ans, en l'occurrence Daniel Roger. Alors voilà, bon, comme le dit Corneille, aux âmes bien nées, les valeurs n'a-t-on pas, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque de la mort de César, Octave n'a pas fait du tout ses preuves sur le champ de bataille, par exemple. Contrairement à quelqu'un comme Marc-Antoine, le lieutenant de César, qui est un grand capitaine, qui a montré sa valeur militaire, son courage, quelqu'un que tout le monde connaît. Donc c'est vrai qu'Octave va devoir se faire un nom déjà. Il va profiter de cette confusion entre Caius Julius Caesar et lui. Donc il va devoir se faire connaître en tant que l'héritier, le successeur de César. Ça va être assez favorable pour lui, parce que comme César est divinisé très rapidement, il va pouvoir s'appeler fils du divin César. Donc ça fait déjà de lui quelqu'un d'un peu exceptionnel. Et puis il va se révéler être un véritable génie politique, hein, malgré ses jeunes années. Si sur le champ de bataille, il est rarement brillant, il a une santé fragile, il est souvent malade le mauvais jour, le jour de la bataille, eh bien, néanmoins, ses qualités politiques vont pallier à cette insuffisance militaire, en quelque sorte, et aussi ses amis, notamment Agrippa, qui est un très grand général, lui, pour le coup, qui est un ami d'enfance, qui lui aussi est d'origine assez humble, enfin, relativement humble, puisqu'il est quand même aristocrate, lui aussi. Eh bien, grâce à ses différents atouts, le jeune Octave va se faire effectivement un nom, va réussir dans sa rivalité qui l'oppose à Antoine à renverser le rapport des forces, à mettre en avant ses qualités à lui, Octave, à mettre en avant une véritable conception en fait de ce que doit être Rome, la place que Rome doit occuper dans l'Empire. Il va réussir à mettre en avant aussi des conceptions morales et politiques qui s'opposent à celles d'Antoine. Et donc à la suite de cette bataille d'Actium, qui est une bataille navale qui a lieu en 31 avant Jésus-Christ, eh bien, de manière définitive, il va supplanter Antoine, son dernier adversaire, le plus puissant. Et donc, il sera, à partir de cette date-là, à partir de cette année 31 avant Jésus-Christ, le seul maître de l'Empire. Alors justement, nous nous promenons et nous aurons plusieurs de ces promenades dans cette émission d'aujourd'hui avec Cécile Girouard, qui est la co-commissaire avec vous de cette exposition Moi Auguste au Grand Palais, Daniel Roger. Et elle nous présente un ensemble tout à fait remarquable de bas-reliefs sur cette bataille d'Actium que vous présentez en tout début de cette exposition. Cet ensemble a été retrouvé en Campanie au XVIIe siècle, il a été très vite dispersé et donc s'est retrouvé en Espagne. Il est très intéressant parce qu'il nous montre un événement tout à fait essentiel dans l'ascension politique donc d'Octave, qui n'est pas encore Auguste, puisqu'il s'agit donc de la bataille d'Actium, qui s'est déroulée donc en 31 avant notre ère, donc sur la côte occidentale de la Grèce. Alors ce relief nous relate en images cette bataille navale, qui se déroule sous les yeux d'Apollon, qui est partiellement conservé, car effectivement, un temple dédié à Apollon surplombait ce golfe. Ce relief, en fait, s'organise en trois séquences. La première s'attache à décrire la bataille navale en elle-même. On considère que le bateau central a peut-être été le navire amiral donc de la flotte d'Antoine, puisqu'il présente comme figure de proue un centaure. La deuxième séquence donc, de ce relief présente le retour triomphal à Rome, donc, qu'Octave a effectué en 29 avant notre ère. Et donc ce retour triomphal s'est accompagné donc, de sacrifices, ce qui explique la présence de taureaux. Et la troisième séquence de ce relief présente donc une séquence posthume. Auguste, effectivement, un mois après sa mort, va être divinisé, va être déclaré donc divus, et donc il va faire l'objet d'un culte. Et donc c'est l'apothéose qui est représentée ici à travers ce char que l'on appelle une tienda et qui présente aussi une iconographie intéressante puisque ce sont des scènes de l'histoire légendaire de Rome. On aperçoit Énée et Anchise donc fuyant la ville de Troie enflammée et s'arrêtant selon donc le présage qui leur a été fait à l'emplacement où une truie allaitait ses petits. Et sur l'autre partie donc de ce char triomphal, donc de la tienda, on a donc un trophée donc qui est représenté. Alors voilà, pour ce premier objet de cette grande exposition, donc Auguste au Grand Palais, dont vous êtes le commissaire avec Cécile Girouard qu'on vient d'entendre, Daniel Roger. Donc peut-être avant d'aller plus loin dans cette description du personnage qu'est Auguste, peut-être arrêtons-nous sur ces qualités qu'on lui a prêtées, en particulier cette qualité de clémence que les grands classiques ont voulu parfois voir en lui. Yann Rivière, dans un numéro récent de l'Histoire, donc qui s'appelait Auguste ou le gouvernement du monde, se posait la question de la réalité de cette clémence d'Auguste, parce que tout compte fait, il a parfois beaucoup de sang sur les mains. Prenons par exemple l'exemple de cette vengeance avec Marc-Antoine. Il crée donc un triumvirat, le second, après celui qui avait été inauguré par César avec Pompée et Crassus. Donc ça, c'est en 43, je crois, le second triumvirat avec Octave, Lépide et Antoine, tous les trois. Triumvirat qui continuera jusqu'à cette fameuse bataille d'Axium dont on vient de parler. Bon, dans ce triumvirat, il se partage un peu ce qui est encore la République romaine, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore l'Empire. Lui a en charge la péninsule ibérique, il a en charge l'Italie en particulier. Et quand les cités italiennes ne sont pas contentes, il va y aller de façon assez franche vis-à-vis de ces cités en particulier et provoquer quelques massacres. Daniel Roger, ça n'est pas simplement l'homme de la paix qu'on connaîtra plus tard et que la légende augustéenne va bien vouloir présenter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux volets. Enfin, on a l'impression, de notre point de vue aujourd'hui, qu'il y a deux volets dans l'histoire d'Auguste. Il y a Auguste empereur, princeps en latin, donc à partir de l'an 27 avant Jésus-Christ. Mais il y a toute cette partie d'histoire qui entre l'amant de César en 44. Entre 44 et 27 avant Jésus-Christ. Et là, effectivement, on peut dire que le personnage peut avoir des aspects tout à fait impitoyables. De toute façon, on est dans un contexte extrêmement troublé de la fin de la République. Mm-hmm. C'est ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition. On a toute une section qui parle de cet aspect-là. Donc, on a eu effectivement ces institutions qui ont été divisées entre des personnages puissants, qui sont des grands généraux, qui sont des gens qui sont riches, très riches, une fortune colossale qui leur sert à avoir autour d'eux de véritables armées de partisans, et donc des grands personnages tels que César, Pompée, Crassus, ceux que vous avez cités, qui forment le premier triumvirat en 60 avant Jésus-Christ, ces gens-là se partagent littéralement le pouvoir. Ils le font pour le premier triumvirat sans aucune assise légale, c'est vraiment un accord entre familles, entre personnes, et ils se répartissent en fait des zones d'influence dans l'Empire. C'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure qu'Auguste est le premier empereur de Rome, il faut bien sûr avoir à l'esprit que le régime politique que fonde Auguste est effectivement original, mais l'Empire existe avant Auguste, puisqu'il commence à se former dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a cet immense territoire partagé entre l'Occident et l'Orient que des hommes à certains moments vont se partager. Et quand, juste après la mort de César, en 43, se forme le deuxième triumvirat, celui qui va réunir Octave, Lépide et Antoine. Et là, pour le coup, c'est une démarche légale, puisqu'il y a une loi, la Lex Titia, qui va la sanctionner, votée par le Sénat. Et on se partage, là encore, des territoires. On ne se partage pas vraiment la République, c'est-à-dire qu'on va se répartir, en quelque sorte, les zones d'influence. L'Orient à Marc-Antoine, L'Orient à Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine reçoit la mission de poursuivre le projet que César n'a pas pu mener à bien, qui était les campagnes en Orient contre les Parthes. Et Octave, lui, va assumer l'autre partie de l'héritage, en quelque sorte, puisqu'il est l'héritier de César, en titre, officiellement. Et il va falloir que, conformément au testament de César, il donne aux vétérans de l'armée de César des terres, puisque souvent, c'est comme ça qu'on récompensait, à la fin de leur service militaire, les soldats dans l'armée romaine. Et ça, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut exproprier, il faut trouver les terres, elles ne sont pas disponibles comme ça. Donc on va créer des colonies en province, mais on va aussi comme par exemple Arles, une colonie romaine de cette époque, mais on va aussi en Italie quand même. Quand on dit en province à cette époque-là, ça veut dire en dehors de l'Italie, centre de ce qui n'est pas, enfin ce qui est un empire, sans emporter le titre. Voilà, nous sommes des provinciaux ici à Paris. c'est bon de le rappeler. Et donc, effectivement, aussi en Italie, il va falloir, par exemple à Pérouse, trouver des terres pour y installer les vétérans. Et ça se passera mal. Et ça se passe mal, parce que les villes italiennes, à cette époque, ont encore un souvenir de leur ancienne autonomie. Et donc, des guerres vont avoir lieu, et Octave a des mots très très durs. Il dit, il faut mourir. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle des guerres fulviennes aussi, qui opposent Octave aux partisans. Dans un bain de sang, pour Pérouse en particulier. Voilà, à Pérouse, ça se passe très très mal, oui, tout à fait. Donc ça, il faut être tout à fait clair, il faut tout à fait reconnaître que Octave ne s'est pas opposé à l'assassinat de Cicéron, hein, qui fait partie en 43. Voilà, qui fait partie de qui est sur ces listes de gens qui sont proscrits. Hein, c'est vraiment terrible, hein, parce que quand vous êtes proscrit, n'importe qui peut vous donner la mort de manière tout à fait légale et empocher une partie de vos biens. Donc c'est vraiment une démarche politique de guerre, en fait, de guerre civile. Et il ne faut pas effectivement masquer toute cette partie de l'histoire d'Auguste. Alors, ce qui est fort intéressant avec ce personnage, c'est que évidemment, on se pose la question de savoir s'il avait dès 19 ans, c'est-à-dire dès la mort de César, le projet qu'il mettra en œuvre beaucoup plus tard, une fois éliminé en particulier Marc-Antoine, et lui-même arrivant au plus haut sommet de l'État, seul d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'une des grandes questions que se posent des historiens, et on peut l'aborder avec vous, Daniel Roger, pour cette exposition Moi Auguste, c'est de savoir s'il a totalement détruit la République romaine, qui était déjà très mise à mal par, évidemment, ce qui s'était passé auparavant, en particulier par César. Mais néanmoins, est-ce qu'il l'a totalement détruite, cette République romaine, ou est-ce qu'au contraire, il a tenté de préserver, comme il l'a dit, tenté de le dire même dans ses gestes, qui est une sorte de manifeste de sa vie politique, pourrait-on dire, préserver les vertus, les valeurs de la République romaine sous un régime qui était en train de se transformer, Daniel Roger? Alors, évidemment, c'est très difficile de se mettre dans la tête d'un individu, surtout si loin dans le temps, et un jeune aristocrate romain de 19 ans. Mais je pense que, d'abord, l'une des qualités d'Octave et ensuite d'Auguste, c'est que c'est un pragmatique. Donc, quand il apprend, c'est sa grande surprise, qu'il est l'héritier de César, je pense que, la première chose à faire, comme il est ambitieux, c'est de faire valoir cet héritage et d'essayer de faire quelque chose, d'accumuler le plus de pouvoir possible, etc. Donc ça, c'est une première étape, et je pense que c'est très progressivement que va s'élaborer un véritable projet politique. Et ce projet politique, c'est de stabiliser, de mettre fin aux guerres civiles, de stabiliser les institutions. Et donc, il faut trouver une solution institutionnelle qui permette d'obtenir cette stabilité, qui permette de changer les mentalités romaines, parce qu'en fait, tout le monde voit bien, mais c'est difficile de l'accepter, que la seule solution, c'est d'instaurer une sorte de monarchie. C'est de transformer Rome en ce qui était à l'époque les royaumes hellénistiques, donc de faire en sorte qu'un individu soit le garant du fonctionnement des institutions. Et ça, à Rome, c'est très difficile de l'admettre, puisque les Romains, depuis leur révolution de 509 avant Jésus-Christ, ne supportent pas l'idée de royauté. C'est une conception, même un mot qui leur est insupportable. Et donc, il faut quand même le faire, il faut le faire sans le dire. Et toute l'habileté politique d'Auguste, c'est d'arriver à faire des choses sans les dire, alors qu'en général, les hommes politiques disent les choses sans les faire. Donc ça, c'est plutôt une réussite de sa part, parce qu'il va aussi réussir à faire accepter ça grâce à son très long règne qui permet de changer des mentalités et de modifier la société. Alors, deuxième très bel objet que nous avons croisé dans notre promenade au Grand Palais avec votre co-commissaire d'exposition, Daniel Roger, qui s'appelle Cécile Giroir, il s'agit d'un magnifique camée qu'elle nous décrit tout de suite. Alors, ce camée d'Auguste donc, est conservé au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Déjà, il a un pédigree prestigieux puisqu'il a été conservé dans le trésor de l'abbaye royale de Saint-Denis. Donc, il a reçu une monture médiévale. Alors, effectivement, à l'époque d'Auguste, on va assister à un développement particulier des arts somptuaires, notamment donc, dans le domaine de la glyptique. Et là, Auguste s'inscrit dans la tradition des rois hellénistiques qui pratiquaient, qui appréciaient beaucoup donc, la taille des pierres dures. Alors, ce camée d'Auguste de la Bibliothèque nationale de France est particulièrement important. La gravure est d'une finesse extrême et témoigne d'une grande virtuosité. Un fond noir avec un relief qui se détache en blanc. Donc, c'est la sardonyx, en fait, qui permet donc ce jeu des matières. Une pierre à deux couches, en fait, noire et blanche. Et donc, la couche supérieure blanche a été taillée pour donc reproduire ce profil du princeps qui relève du type prima porta, donc le type qui a été créé lors de son avènement en 27 avant notre ère. C'est aussi une façon, ces camées, de porter l'image impériale au-delà de Rome, jusqu'au bout de l'Empire, puisqu'on peut le retrouver dans des espaces privés, dans des endroits qui ne sont pas des endroits dévolus habituellement au culte de l'empereur. Bien sûr, ce ne sont pas à proprement parler des images donc, officielles destinées à un cadre public, mais au contraire, des images privées qui étaient vraisemblablement offertes, notamment à l'occasion d'étrennes. Donc ce sont en fait des cadeaux qui étaient faits dans l'entourage impérial, à des membres de la famille impériale ou à des membres proches du pouvoir. Quand on voit ce camée, mais aussi les autres qui l'accompagnent, on se dit tout compte fait que d'autres empereurs, bien plus tardifs, comme Napoléon, ont pu puiser dans cette imagerie augustéenne pour pouvoir se représenter eux-mêmes ou se faire représenter eux-mêmes. Bien sûr, Auguste, qui est le premier empereur de Rome, donc qui va fonder un régime politique, donc l'Empire, qu'on en appelle le Principat dans l'Antiquité, qui va lui survivre pendant plus de 5 siècles, va être une sorte de modèle, aussi bien dans l'Antiquité qu'à l'époque moderne. Voilà, donc pour Cécile Giroir, donc, qui nous présente ce camée dans cette exposition « Moi, Auguste », dont vous êtes co-commissaire, Daniel Roger, au Grand Palais à Paris jusqu'au 13 juillet prochain. Arrêtons-nous peut-être un peu avec vous sur ce que Auguste, Octave, devenu Auguste ensuite, va récupérer de l'héritage des royaumes hellénistiques. On vient d'entendre qu'il avait récupéré en particulier un type d'art qui était pratiqué par les rois hellénistiques, mais également il voudra peut-être aussi s'en détacher, en particulier de la question d'un certain luxe extérieur, même si ce luxe décamé et se propage dans tout l'Empire sous sa direction. Voilà, Auguste, c'est un peu le roi des ambiguïtés, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il emprunte un certain nombre de pratiques au royaume hellénistique. Lesquelles, par exemple ? Eh bien, notamment, ce camée est un bon exemple. Hein. Finalement, tous ces camées qui viennent de cette époque sont des objets extrêmement précieux. Ils l'ont toujours été, puisque, comme le disait Cécile, ils ont été transmis sans avoir jamais été perdus au fil des âges. Et en fait, c'était une pratique des rois hellénistiques. D'offrir ces objets très très précieux aux gens de leur entourage, aux gens de leur cour. Et Auguste, il va adopter exactement la même démarche. En fait, il va procéder de la même manière. Dans les provinces, notamment les provinces orientales, il y a une pratique qui est celle de considérer que le roi hellénistique, une sorte de dieu, une sorte de divinité de son vivant. Et ça, c'est ce qu'on va voir effectivement aussi. Ça sera aussi le cas d'Auguste. Alors que en Occident, Auguste se garde bien d'essayer de paraître comme un dieu de son vivant, parce qu'il sait que ça, c'est très dangereux, ça risque de le mener sur la même voie que César. Donc il va éviter ce genre d'affirmation. Et affirmer une sorte de frugalité a priori extérieure, exactement, d'esprit romain, voilà, qui serait l'antithèse de cet esprit hellénistique de débauche et d'argent roi. Alors voilà, que la République romaine finissante était elle-même les grands dirigeants de cette République romaine étaient des gens qui faisaient des dépenses somptuaires de grande qualité, en l'occurrence. Absolument. Ils dépensaient beaucoup d'argent. Tout à fait. C'est-à-dire que jamais les Romains n'ont autant fait appel à cette espèce d'idéologie du vieux Romain, dur à la tâche, frugal, qui ne pense qu'à une chose, servir la patrie, etc. Et Virgile autour de... Voilà, autour bien de... sûr, Virgile, et puis Tite Livre, qui raconte sur des pages et des pages ces histoires de Romains, enfin vraiment des gens très très sévères, très très durs. Dur à la tâche. Alors que c'est justement l'époque où, au contraire, cette aristocratie romaine accède à un luxe incroyable, elle s'enrichit dans des proportions inimaginables, on a des armées d'esclaves qui travaillent pour elle. Donc c'est à ce moment-là qu'Auguste va revendiquer comme un étendard cette frugalité, ce retour aux mœurs des ancêtres, etc. Il va demander que Livy file la laine et tisse ses vêtements. Enfin voilà, donc une espèce d'affichage assez étonnant. On dirait aujourd'hui de la communication. Alors, parce que c'est difficile vous ne voulez pas parler, par exemple, du concept de propagande, voilà, qu'on a souvent appliqué à Auguste, et vous refusez avec Cécile Giroir et les autres commissaires de cette exposition d'évoquer le terme de propagande augustéenne. Pourquoi ça vous fait peur de dire cela ? Alors, il y a eu des moments où il y a eu de la propagande. C'est sûr que dans le débat qui l'oppose à Antoine, il y a vraiment une certaine mauvaise foi dans les arguments qui sont utilisés, qui rappellent la propagande. Mais la propagande, c'est utilisé par les grands dictateurs du XXe siècle, et en fait, tout le monde sait que personne n'y croit. voilà, quand on voit les grandes affiches de Brejnev à l'époque du culte de la personnalité, bon, tout le monde sait qu'on se moquait de Brejnev en Union soviétique. Alors qu'à l'époque d'Auguste, quand on vénère l'image du Princeps, quand on rend un culte à son génie, il y a une certaine part, une part importante de sincérité dans cette démarche. Et c'est difficile de penser que les gens ne croyaient pas. Vous voulez dire que si ça entre dans les familles gallo-romaines, d'Hispanie ou d'ailleurs ou dans Rome, c'est parce qu'il y a une sorte de conviction que c'est la bonne chose qu'il faut pour Rome à ce moment-là. Voilà, Auguste n'est pas ressenti comme un homme politique au sens moderne, il est ressenti comme quelque chose de plus que ça. Il y a une dimension religieuse dans son aura, dans sa personne, qui font qu'on ne peut pas comparer les choses avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a une véritable adhésion. Je pense que tout ce discours augustéen sur l'âge d'or, sur la personne particulière qu'il est en tant que princeps, tout ce discours-là a une résonance qui n'est pas uniquement politique, qui est aussi religieuse, qui est intimement perçue par les gens. Alors, autre objet qui est en relation avec ce qu'on est en train de dire, en particulier de cette relation complexe que Rome établit à l'époque avec l'Est de l'Empire, donc l'Orient de l'Empire, et en particulier avec les pays hellénisés, eh bien c'est la Vénus génitrix qui nous est présentée par Cécile Giroir. Donc la Vénus génitrix, donc, c'est une Vénus, donc la déesse de l'amour et de la beauté, qui est représentée donc en tant que mère. Donc elle a un corps extrêmement sensuel, dont la sensualité est soulignée par le drapé qui lui colle à la peau, et elle porte donc sur son dos un manteau qu'elle soulève légèrement, délicatement, de sa main droite. Alors, cette Vénus génitrix, c'est un modèle grec transposé dans la Rome d'Auguste ? Exactement, donc c'est une réplique romaine, en fait, d'un original grec en bronze, donc du 5e siècle avant notre ère, qui est attribué à Callimaque. Et cette iconographie de cette déesse donc, va être prise à Rome. Alors d'abord sous César, évidemment, le père adoptif d'Auguste, qui va faire de Vénus sa divinité tutélaire. Et donc il va dédier un temple à la Vénus génitrix qu'il va élever donc, à Rome. On a des exemples de déplacements d'œuvres majeures, par exemple avec Napoléon ou avec les guerres d'Italie, dans d'autres pays et qui influencent l'art de l'époque. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les Romains du temps d'Auguste vont, entre guillemets, se choisir, piller des œuvres dans l'espace plus lointain qu'est l'espace grec pour pouvoir s'en inspirer. Alors, ils ne l'ont pas fait du temps d'Auguste, ils l'ont fait avant. C'est vraiment à la fin de l'époque, enfin, durant l'époque républicaine et particulièrement au 2e et au 1er siècle avant notre ère, donc lors des conquêtes, donc de la Grèce et notamment de l'Asie mineure, mais aussi donc du Proche-Orient, que les généraux victorieux, vainqueurs, donc, vont revenir avec comme tribut des œuvres d'art, des matières premières, des matières précieuses qui vont rendre familiers donc, ces matériaux et ces objets au public romain. A-t-on une idée de la popularité de ces statues grecques dans les maisons des riches romains du temps d'Auguste ? Oui, on en a tout à fait une idée. On sait effectivement que ces décors étaient extrêmement appréciés et donc étaient utilisés aussi bien dans des cadres publics pour décorer des monuments publics que dans le cadre donc dans des cadres privés et notamment donc dans des maisons, dans des jardins. La statuaire ornait ces lieux et c'est exactement ce qui s'est produit par exemple pour les Niobides qui sont présentés en bas dans l'exposition qui proviennent donc de Rome. Donc clairement, ce sont donc des sculptures de temples grecs du 5e siècle avant notre ère qui ont été réutilisées dans les jardins de Salluste. Voilà pour cette Vénus génitrix qu'on peut trouver jusqu'au 13 juillet dans l'exposition Moi Auguste qui se tient au Grand Palais à Paris. Alors là, on a beaucoup de choses autour d'une statue comme celle-ci, de la Vénus génitrix, Daniel Roger. En particulier, cette relation, vous parliez d'ambiguïté tout à l'heure d'Auguste, mais l'ambiguïté aussi de tout Rome vis-à-vis de cet héritage grec et Hélène. On sait que dans sa conquête du pouvoir, il va accuser en particulier Marc-Antoine d'être hellénisé. On sait qu'il va par ailleurs reprendre des mythes qui sont des mythes grecs, comme le mythe de l'âge d'or, pour pouvoir justifier l'arrivée d'une Pax Romana dont il serait au sommet duquel il se trouverait. Donc il est à la fois quelqu'un qui condamne un certain héritage grec et quelqu'un qui reprend un certain héritage grec. Comment peut-on comprendre cela, Daniel Roger ? Alors en fait, ce que Auguste condamne chez Antoine, ce n'est pas qu'Antoine aime l'art grec, parce que évidemment, ce sont les mœurs grecques. Voilà, c'est ça. C'est plutôt le mode de vie, les conceptions politiques qui sont rejetées par la mentalité romaine, en fait. Parce que de toute façon, faut bien se rendre compte que ce bassin méditerranéen du 1er siècle avant Jésus-Christ, il baigne dans l'hellénisme. Le hellénisme s'est répandu jusqu'en Afrique. Enfin, c'est romain. Que la Sicile qu'il a sous sa coupe, pendant qu'il est triumvir, est un voilà, pays grec. Le sud de l'Italie, la Sicile, jusqu'à Marseille, hein, ce sont de très très vieux pays grecs. Donc, de toute façon, ces Romains ont conscience que simplement cette culture, c'est la leur. C'est nous qui distinguons de manière un peu trop étanche, peut-être, entre la culture grecque et la culture romaine. Pour eux, il n'y a pas vraiment de, enfin, il y a rien d'anormal à ce qu'à Rome, on voit des formes qui viennent de Grèce, qui ont été élaborées en Grèce, qui sont affichées. Mais de là à en faire une académie de la sculpture, comme plus ou moins le sont les villas des grands nobles romains, par exemple, ou les villas d'Auguste soi-même, c'est un peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va se dire, il y a quelque chose là-dedans qui va revivifier l'art de l'époque, qui va le rendre plus grand. Qu'est-ce que se disent justement ces Romains quand ils ramènent toutes ces statues de l'Orient ? Eh bien, ils se disent qu'effectivement, il y a là des modèles, il y a là des images que l'on peut réutiliser, qu'on peut copier. Et ce que l'exposition montre, j'espère, assez bien, c'est comment en réalité ces modèles sont réinterprétés, sont détournés en quelque sorte de leur sens ou de leur fonction première. Et comme si on en gardait l'enveloppe parfois, mais en fait, en enlevant le sens qui est derrière. Quelque chose de nouveau. Voilà, la Vénus génitrice de Callimaque, hein, c'est ce dont parlait Cécile à l'instant, c'est tout à fait emblématique. Ça devient très curieusement cette Vénus, alors que tout le monde pense que Vénus est la déesse de l'amour, ça devient d'un seul coup une sorte de champion politique en quelque sorte. Et ça, c'est une transformation qui est assez romaine. Comme le fameux Auguste Prima Porta, dont on a fêté les 150e anniversaire de la découverte l'année dernière, cet Auguste qui est à l'entrée de l'exposition et lui-même la copie, la démarque, pourrait-on dire, d'une statue grecque classique. Alors exactement, voilà, on a affiché le Doréphore de Polyclète dans l'exposition juste à côté, mais alors on voit entre les deux statues l'immense chemin parcouru. Bien non sûr. Pas que l'Auguste soit plus beau que le Doréphore, ça n'a aucun sens de dire ça, mais enfin il a été complètement digéré à la manière romaine, équipé d'un certain nombre d'accessoires qui en font un objet complètement romain, la cuirasse romaine, qui elle-même est un héritage hellénistique, mais qui là est complètement retravaillé, qui est transformé en un objet qui porte un véritable discours. Et donc là effectivement on voit l'utilisation que les Romains font de ces modèles grec. Ils ne se contentent pas de les copier, contrairement à ce qu'on a dit depuis le 19e siècle. L'art romain n'est pas un art de la copie, c'est un art de la réinterprétation. En fait, on va concurrencer les Grecs, on va essayer de faire mieux qu'eux, on va essayer, en fait, toute génération d'artistes, je pense, rêve de faire mieux que la génération précédente. Tout en s'en inspirant. Tout en s'en inspirant, et c'est exactement ce qui se passe pour les artistes qui travaillent à Rome. Alors, nous continuons notre promenade avec Cécile Giroir dans l'exposition qu'elle a réalisée avec vous et avec vos collègues italiens, donc au Grand Palais, le fameux mois Auguste. Nous allons rentrer dans l'intimité des décors, puisque c'est une des grandes vertus de cette exposition que de ne pas nous présenter simplement les grandes œuvres qui étaient destinées à être exposées dans les lieux publics, mais également d'entrer à l'intérieur des maisons. Un exemple, un petit décor peint, mais également une colombe de verre bleu, tout cela rassemblé dans un reportage que nous écoutons tout de suite. L'enduit peint qui provient de la maison Livy donc, est conservé au musée archéologique de Naples. En fait, il est parvenu à Naples à travers la collection Farnèse qui a été acquise par le musée. Il est très intéressant parce qu'évidemment, il nous permet d'avoir une idée de ce que pouvait être le décor peint de ces demeures donc, sur le Palatin. Donc, celui-ci nous montre une cariatide qui prend la forme d'une prêtresse égyptienne qui se détache donc, en blanc sur un feu rouge. Donc, des couleurs qui sont issues de pigments évidemment minéraux pour l'essentiel. Donc, on a du vert, du blanc, du jaune, donc, qui sont issus de différentes terres qui vont être utilisées donc, pour réaliser donc, ces peintures. Ces décors peints étaient-ils déjà pratiqués dans les maisons républicaines auparavant ou y a-t-il un véritable changement de régime, pourrait-on dire, avec le changement de régime politique qui est incarné par Auguste ? Non, alors ces décors peints effectivement étaient déjà réalisés donc, antérieurement, donc, notamment à l'époque républicaine, on en a de nombreux exemples à Pompéi. À l'époque d'Auguste, on va assister à un changement de style puisqu'on passe du deuxième au troisième style de la peinture pompéienne où effectivement on abandonne les architectures extrêmement légères et donc plus ou moins imaginaire, donc qui caractérisait le deuxième style, pour un autre style donc, qui s'attache à des tableaux placés au centre des murs, en général sur des fonds unis, très souvent rouges. Cette exposition Auguste au Grand Palais présente de très grandes œuvres, mais aussi des œuvres beaucoup plus modestes, des petites œuvres qui se trouvaient dans les habitations communes, que ce soit Pompéi, Herculanum ou dans d'autres endroits, Bosco-Réal, beaucoup d'œuvres d'orfèvrerie qui sont dans cette salle, Cécile Girois, mais également une magnifique colombe bleue. C'est quoi cette colombe ? Cette colombe est un balsamère qui était destiné à recevoir de la poudre, qui contenait de la poudre pour se maquiller. Donc cette colombe illustre la technique du verre soufflé qui apparaît au 1er siècle avant notre ère, mais qui va connaître une diffusion tout à fait importante à l'époque augustéenne. Et là encore, on rejoint la question de la migration des artisans, puisque les principaux ateliers donc, de maîtres verriers étaient établis au Proche-Orient et en Égypte. Et donc, vu que la clientèle va se trouver à Rome, donc des maîtres verriers venus d'Orient vont arriver à Rome et vont pouvoir établir des ateliers pour servir la clientèle qui, évidemment, raffolait de ces objets extrêmement précieux et fins. Alors, ces colombes ont été retrouvées en assez grand nombre dans les villes ensevelies par le Vésuve en 79, mais celle-ci provient de Vénitie. Donc elle a été retrouvée en Italie du Nord et effectivement est remarquable par son état de conservation. Ce sont évidemment des objets qui sont extrêmement fragiles puisqu'il s'agit de verre soufflé qui fait à peine un millimètre d'épaisseur. Le verre soufflé existait déjà à Rome donc avant l'accession au pouvoir d'Auguste, mais il va connaître une diffusion grâce à l'établissement d'ateliers de maîtres verriers à Rome. Il va vraiment y avoir une production de plus grande ampleur, donc destinée à une beaucoup plus large diffusion. Donc c'est vraiment le changement d'échelle qui va aussi évoluer à l'époque augustéenne. Voilà pour ces deux éléments, le décor peint et la petite colombe en verre soufflé bleu qu'on peut trouver à l'exposition Auguste. Une occasion de dire combien, effectivement, Rome se transforme sous l'égide d'Auguste. Vous insistez beaucoup là-dessus, ce qui fait une grande différence par rapport à l'exposition qu'ont pu voir les Romains ou les visiteurs de Rome à l'automne dernier, qui a précédé celle-ci, mais qui était en grande partie la même. Simplement, vous avez voulu mettre l'accent avec Cécile Girois, Daniel Roger, sur le fait que effectivement, on connaît moins l'ours sous l'égide d'Auguste et qu'il fallait montrer comment cette ville va devenir le véritable centre, encore plus qu'auparavant, de cet immense empire romain, en faisant venir de très loin ceux qui vont participer à sa richesse. Oui, voilà. Nous, à Paris, on a voulu insister sur deux choses, hein, sur la ville de Rome, qui n'est pas forcément familière aux Parisiens, et sur les provinces, parce que, nous sommes des provinciaux, donc ça nous intéressait. Et effectivement, dans les deux cas, que ce soit à Rome ou dans les provinces, on voit que les choses, à l'époque augustéenne, vont énormément se transformer. D'abord parce qu'il y a un phénomène très très simple, c'est qu'en rétablissant la paix, Auguste permet on dirait aujourd'hui des investissements en infrastructures, c'est-à-dire que des routes sont construites, notamment dans les provinces et particulièrement en Gaule, que les voies maritimes sont devenues de nouveau sûres. Des villes sont créées, Autun, Bayeux, Clermont-Ferrand, Limoges, Senlis, Troyes, voilà. Évidemment datent de cette époque-là. Voilà, des villes qui souvent portent le nom d'Auguste, hein. Autun c'est Augustodunum. Et alors donc, ce nouvel empire avec ces voies de communication qui fonctionnent de nouveau va connaître un véritable boom économique. Alors évidemment, à l'époque, on n'a pas de statistiques, mais on se rend compte qu'il y a quand même un enrichissement général de la population. Donc les artistes vont se déplacer, ils vont aller là où se trouve la clientèle. Voilà, et la clientèle se trouve plutôt à Rome. Et maintenant, voilà, la clientèle est plutôt passée en Occident. Donc les artistes grecs ou des artistes de l'Orient en général vont venir travailler à Rome. Et donc réaliser, à la demande de cette clientèle romaine un peu nouvelle pour eux, des œuvres qui sont tout à fait originales, bien que s'inspirant des formes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des formes élaborées des siècles auparavant, puisqu'on parle du 5e siècle avant Jésus-Christ, où on voit effectivement qu'à différentes périodes de cet âge d'or de la sculpture grecque, eh bien, on emprunte des formes différentes qu'on va assembler pour créer ces choses que nous appelons éclectiques, mais qui sont simplement une tentative de vouloir synthétiser, de vouloir tirer le meilleur de chaque période de l'histoire grecque. On arrive à des statues qui ont des corps qui sont typiques de la deuxième moitié du 5e siècle, avec des têtes qui sont typiques de la première moitié du 5e siècle, et qui nous paraissent un peu étranges, mais qui correspondaient à ce que souhaitaient les Romains, en fait. Alors, ce que souhaitaient les Romains, c'était évidemment cette prospérité, c'était que Rome devienne de plus en plus importante, de plus en plus prospère, mais ce qu'ils souhaitaient aussi, c'était une sorte de paix. Alors, c'est là-dessus que ce que vous n'appelez pas la propagande et ce qu'il ne faut pas appeler la propagande augustéenne insiste, c'est effectivement la grande paix qui s'installe dans l'Empire. Néanmoins, vous montrez bien aussi dans cette exposition que ça n'est pas une paix perpétuelle, qu'il y a toujours des combats et que c'est sous Auguste qu'une des plus grandes défaites qu'a pu connaître l'armée romaine, les trois légions de Varus détruites par Arminius du côté de la forêt de Teutobourg, Teutobourg, voilà, de Teutobourg. Donc, en Germanie, cette défaite a lieu au moment où Auguste est sur le trône. Et donc, d'une certaine façon, c'est une immense défaite à la fois politique et militaire que subit l'Empire romain à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, la paix dont on parle, c'est une paix surtout interne, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus à l'intérieur des frontières de l'Empire, mais on continue à se battre, on s'est toujours battu, à Rome c'est normal de faire la guerre, sur les frontières. Et effectivement, l'Empire romain à l'époque d'Auguste continue à s'étendre. Auguste n'est pas un très grand chef de guerre, mais c'est quand même un grand conquérant, dans la mesure où il va intégrer de nouvelles provinces, à commencer par l'Égypte, la plus importante, il va terminer la conquête de l'Espagne, il va rajouter les Galaties, et donc il va essayer de s'établir, une mauvaise idée sans doute, sur la rive droite du Rhin. Et donc, en fait, de constituer plutôt une sorte de glacis par rapport à ces tribus barbares germaniques qui ne sont pas, sous l'emprise de Rome. Et il envoie donc ces trois légions dirigées par Quinctilius Varus. Et en 9 après Jésus-Christ, elles sont effectivement détruites toutes les trois. Quinctilius Varus meurt sur le champ de bataille et, chose épouvantable, les légions romaines perdent leur enseigne. Alors, et ça c'est très important, perdre les enseignes pour une légion romaine, c'est perdre le drapeau, c'est vraiment une humiliation terrible. Et Auguste avait tiré gloire au début de son règne d'avoir récupéré des enseignes qui avaient été déjà perdues par un général romain en 53 avant Jésus-Christ dans une bataille contre les Parthes, contre ce royaume oriental que les Romains ont toujours eu du mal à soumettre. Et il avait donc réussi à récupérer ses enseignes. C'était un des grands moments de son règne, 20 avant Jésus-Christ. Et voilà qu'à la fin de sa vie, en 9 après, il repère les enseignes, cette fois-ci non plus en Orient, mais en Occident, contre les Germains. Et effectivement, pour lui, ça a été un vrai drame. Et Suétone nous raconte qu'il se cogne la tête contre les portes en demandant « Quinctilius Varus, rends-moi mes légions ». Alors, ce qui est assez formidable dans cette histoire, c'est que c'est le destin de cette légende autour d'Arminius et de Varus. C'est-à-dire que vous expliquez bien dans le catalogue qui accompagne moi, Auguste, que eh bien, d'un côté, dans les premières années, première moitié du XXe siècle, Hitler va évidemment se référer à cette germanité la plus lointaine possible pour pouvoir, et en particulier à ces armées d'Arminius qui ont défait l'Empire romain pour pouvoir montrer la grandeur de la Germanie. Et de l'autre côté, son allié ou son futur allié, en l'occurrence Mussolini, va se référer à Auguste pour pouvoir asseoir son propre régime. Les deux alliés vont avoir évidemment comme personnage tutélaire les deux personnages qui se sont affrontés en Germanie du côté de Neuf après au début de notre ère. Oui, alors c'est vrai que ça montre bien le danger de plaquer sur l'Antiquité romaine, enfin l'Antiquité en général, des conceptions qui sont des conceptions modernes, parce qu'on raconte très très vite n'importe quoi. En réalité, cette réutilisation de grands personnages de l'Antiquité à des fins nationales et même nationalistes, hein, elle date pas d'Hitler. Hitler l'a reprise, bien sûr. Du 19e siècle. Mais voilà, Vercingétorix et Napoléon III, c'est la même histoire. Et c'est à la même époque qu'Arminius devient le champion d'une Allemagne qui n'existait pas, qui n'était même pas dans l'idée de ces gens-là, qui n'ont aucune idée de nationaliste selon nos conceptions modernes. Donc effectivement, on voit comment cette histoire romaine est constamment réutilisée. Et c'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de la présenter de la même manière que l'on présenterait finalement des cultures très très lointaines, parce que on a un sentiment de familiarité avec elle qui vient de cette réutilisation et qui est un sentiment trompeur. De ces usages politiques de l'histoire romaine tout au long du 19e et du 20e siècle, et même bien avant, évidemment. Alors, autre endroit où les Romains ont quelque peu de mal, c'est ce qu'on appelle le royaume de Méroé, donc qui correspond au Soudan actuel. Et vous exposez la fameuse tête d'Auguste de Méroé dans cette exposition. Cécile Giroir nous l'a décrit. Alors sa tête a une histoire assez intéressante, puisqu'en fait elle a été retrouvée, donc enfouie sous le pavement d'un temple dédié à la victoire, donc à Méroé, qui était donc la capitale du royaume qui portait le même nom. du côté du Soudan actuel. Exactement, donc au sud de l'Égypte. Donc on suppose que cette tête en fait est le fruit d'un pillage qui aurait été commis par les Méroïtes. On sait par les textes qu'ils ont effectivement fait plusieurs incursions en Égypte, qui était donc passée sous domination romaine en 31 à l'issue de la bataille d'Axium. Et donc ces Méroïtes auraient volé aux légions romaines ce portrait d'Auguste en bronze, tout à fait remarquable par son état de conservation, et ils l'auraient enfoui sous le pavement de leur temple dédié à la victoire pour le piétiner symboliquement l'ennemi. Et c'est grâce à cet enfouissement sous le temple, sous le dallage du temple, que ce portrait nous est parvenu. Donc au-delà de l'histoire, ce détail nous permet donc de conserver cette œuvre tout à fait magistrale, puisqu'effectivement les portraits, on sait qu'en bronze, étaient nombreux, mais malheureusement ils n'ont pas été conservés dans la mesure où le bronze se recyclait. Alors, il y a en face d'ailleurs un autre bronze d'Auguste qui vient du côté d'Athènes. La différence entre ce bronze d'Auguste qui est tout à fait remarquable en cavalier et celui-ci, c'est que celui-ci, de Méroé, a gardé encore son attribut principal qui est le regard. Exactement, donc pour les images en bronze, les portraits en bronze, les yeux étaient incrustés de différents matériaux, notamment de calcite ici. Donc c'est une pierre en fait qui a été travaillée. Et donc effectivement, ces yeux incrustés donnent à ce portrait un regard tout à fait saisissant qui impressionne beaucoup le visiteur. On imagine qu'une telle statue, un tel buste était placé en hauteur et que ce regard qui penche vers le bas regardait le visiteur et le passant. Exactement, ce portrait est à une échelle un peu supérieure à l'échelle humaine. Donc effectivement, il a pu orner une statue monumentale donc qui a pu être placée effectivement en hauteur. Voilà pour cette fameuse tête de Méroé, absolument exceptionnelle, que vous présentez dans cette exposition « Moi, Auguste, au Grand Palais ». Daniel Roger, est-ce que vous êtes surpris de la popularité de cette exposition ? Moi, j'y suis allé la semaine dernière avec Anne Fleury, notre réalisatrice, et on était vraiment au milieu d'une grande exposition parisienne classique, pourrait-on dire, où on est obligé un peu de jouer des coudes devant les œuvres. Certes, les œuvres sont plus grandes que des tableaux impressionnistes, mais on est toujours un peu obligé de jouer des coudes. Ça veut dire que ça a un certain succès. Or, les expositions d'art antique n'en ont pas toujours, et peut-être au Louvre, ça ne sont pas les salles les plus fréquentées, je ne veux pas dire cela, mais ce sont, voilà, du Louvre. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela, justement, de cet intérêt du grand public pour cette exposition, Daniel Roger ? Ah, c'est normal, c'est une exposition magnifique. Oui, mais hormis le discours du commissaire. Ah, voilà, en fait, je pense que... D'abord, quand vous vous êtes lancé il y a 3 ou 4 ans sur cette exposition, voilà, est-ce que vous aviez parié sur un succès comme celui-ci ? Alors bon, nous on voulait quand même, enfin on a été, grâce à nos amis italiens qui sont quand même des gens qui ont un carnet d'adresses extraordinaire, Gino La Rocca est un très très grand spécialiste qui connaît tout le monde en Italie, donc on espérait dès le départ avoir quand même des prêts très très exceptionnels, et effectivement on les a obtenus. C'est-à-dire que l'Auguste de Prima Porta, il est sorti une seule fois du Vatican depuis 1163, depuis sa découverte. La tête de Méroé, elle sort presque jamais du British Museum, donc voilà, on a quand même réussi à rassembler des prêts tout à fait exceptionnel, et normalement ça doit attirer le public. Et puis je pense que effectivement comme on a l'impression que les expositions d'art antique n'auront pas de succès, on en fait peu, et comme on en fait peu, finalement les gens sont un peu frustrés. Parce que finalement, l'Antiquité existe toujours dans notre imaginaire. On parle toujours de Rome, heureusement d'ailleurs, dans les programmes scolaires. On a beaucoup de bandes dessinées, Astérix, Alix, toutes sortes de... Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui habite toujours notre imaginaire. Et les gens sont intéressés, je pense, par cet aspect des choses. On voit aussi, et je trouve ça très, très, très bien, beaucoup d'enfants dans cette exposition, pas forcément parce qu'ils ont été obligés de venir avec leur classe, mais aussi avec leurs parents. Et je pense que ça porte, l'Antiquité, et particulièrement l'Antiquité romaine, porte un certain nombre de représentations qui sont toujours les nôtres et qui sont toujours utiles. Et qui, Alors, pour les représentations, certes, mais pour la difficulté d'appréhension, par exemple. J'ai vu que, en nous promenant avec Cécile Giroy dans cette exposition, une dame nous écoutait en train d'enregistrer devant Livie, donc divinisée, adoptée par Auguste à sa mort alors que c'était sa femme. et s'étonner de ce qu'était le régime matrimonial, le régime de l'adoption à Rome, toutes choses qui sont très éloignées de notre époque, et donc avec des difficultés pédagogiques, pourrait-on dire, de faire comprendre ce qu'étaient ces familles, ce qu'était cette noblesse romaine alors qu'on était en République et qu'on allait se transformer en empire, ce qu'étaient ces questions d'adoption. Tout ça, c'est quand même assez compliqué pour une exposition comme la vôtre, Daniel Roger. Oui, c'est compliqué, mais justement, c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a trop souvent l'impression que finalement, l'Antiquité romaine, c'était comme aujourd'hui. Oui, vous savez, ils ont tout inventé avec les plaisanteries qu'on voit dans Astérix, oui. tous les anachronismes possibles et imaginables. Et en fait, c'est intéressant de voir que finalement, cette civilisation dont nous sommes les héritiers, il ne s'agit pas de le contester, était très différente de la nôtre. Finalement, était très différente de la nôtre. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'à Rome, on peut adopter sa femme et que sa femme, son ancienne épouse, devient sa fille. Et c'est ce que fait Auguste à la fin de sa vie. Il est marié à Livie depuis 38 avant Jésus-Christ. En 14 après Jésus-Christ, sur son lit de mort, il l'adopte. Donc elle change de nom, elle devient Julia, puisqu'elle prend le nom de la famille de son mari, les Julii, nom qui lui a été transmis par César, puisqu'il a été adopté par César. Donc c'est vrai que ces choses-là sont complexes, mais c'est assez frappant pour l'imaginaire. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez tenté dans une salle, et c'est une belle réussite, de montrer la complexité de la famille d'Auguste. Ça nous est pas étranger, pour le coup, parce que ce qu'on aime bien dire quand on fait visite à l'exposition à nos visiteurs, c'est que la famille d'Auguste, c'est une famille recomposée. Et c'est vrai que c'est une famille recomposée. On n'arrête pas de divorcer, on a des enfants à droite, à gauche, il y a des adultères, enfin... Et comme ces enfants meurent en bas âge pour certains, c'est son cas, et on est obligé d'adopter d'autres si on veut que la lignée se poursuive d'une autre manière, et c'est comme ça que son successeur finira par être nommé. Voilà, c'est comme ça que finalement, puisqu'Auguste n'arrive pas à avoir des descendants de son sang qui lui survivent et à qui il puisse transmettre l'Empire, il est obligé d'adopter le fils que Livie, sa troisième épouse, a eu d'un précédent mariage. Précédent mariage, d'ailleurs, avec un ennemi politique d'Auguste. Donc, ce fils, c'est Tibère. Donc, il est obligé, quand son dernier petit-fils décède, de l'adopter. Et c'est lui qui va être son successeur, finalement. Merci Daniel Roger d'avoir aussi Merci clairement exposé les enjeux d'une grande exposition, parce que c'est aussi un enjeu que de faire une exposition de ce type. Donc moi, Auguste, empereur de Rome, c'est une exposition qui dure jusqu'au 13 juillet prochain, donc au Grand Palais. Et bravo pour ce travail que vous avez mené avec vos collègues italiens et avec Cécile Giroir. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Tristan Gartalon était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous continuons cette série d'émissions consacrées à des grandes expositions d'histoire qui se tiennent actuellement sur notre territoire. Et demain, nous partirons du côté de Lyon, où se tient une exposition sur la peinture du 19e, peinture d'histoire du 19e, et comment, d'une certaine façon, un peu comme pour Auguste, eh bien, on a créé un imaginaire qui a survécu au 19e siècle, à cette période-là, un imaginaire de notre histoire nationale en particulier.